phrase 5, observation, prononciation, la semi-voyelle y. Rien. Le mot rien a une syllabe. Le premier son est la consonne r, le dernier son, la voyelle 1, représentée par en, et entre les deux, il y a un troisième son, y, représenté par la lettre i, qui n'est pas vraiment une voyelle, mais qui n'est pas vraiment une consonne non plus. C'est un son qui est à la fois voyelle et consonne. Disons que c'est une semi-voyelle. Remarquez que dans rien, il n'y a pas de séparation entre la semi-voyelle y et la voyelle 1. On passe directement du son y au son